Qu'est-ce qui départage ceux qui ont vu clair dans les premiers jours et que certains ne voient toujours pas et ne verront jamais? Ben, c'est de l'intelligence, de l'objectivité. L'objectivité, la capacité de voir sans... quand vous voyez quelque chose puis que vous n'êtes pas porté à le rationaliser, que vous le voyez pour ce que c'est parce qu'il y a une certaine absence de peur. Donc, les gens qui ont plus de vécu, qui ont plus souffert, vont être plus objectifs, alors que d'autres qui ont beaucoup souffert vont, justement, vu qu'il y a des blocages au niveau de la mémoire, ils vont être portés à rationaliser par peur de souffrir, mais c'est une peur inconsciente. Donc, oui, dès le début, on savait ce que c'était, mais aussi parce qu'on était jusqu'à un certain point instruit et informé de comment fonctionnent certaines choses dans le monde. Donc, on s'attendait à ça, puis on avait été prévenu de ça, qu'il y allait avoir un forçage de vaccins, que ça allait passer par des vaccins. On le sait depuis les années 90, il y a eu des fuites. Donc, au niveau d'une programmation, ça veut dire que, bon,